direct du vaisseau Messer. MCSF Messer. Windows over A9.8. Back to the future. Je suis des nerfs, t'as la plaie nette, toi tu les fleurs, c'est la peste nette. Ma glisère n'est pas très nette, je suis sur Isère, c'est ma planète. Tu n'existes sur internet, moi j'en cul size comme le PMS. Je suis une menace, demande à PNL, je vais être en haine devant les TNL. Que tu veux gueule dans ton vénère, number one c'est trop vénère. Je n'écris que dans la violence, tous mes nécros sont la potence. Tous coupables, rien à foutre zère, double usine dans les fougères. Je suis dans l'espace, mais que des nightcare, pas de mes spas, je te nique ta mère. Putain, j'suis proxé net, j'suis juste ancien de headset net. J'suis en amour, j'ai cœur de pierre. Dans les artères, j'suis que du calcaire. Bon boulot, pas vert. J'suis cobra, viens faire un bras fer. Fight club, Brad Pitt, t'as une queue net, t'as pas de bitière. Si j'atteins le paradis, c'est dans un train d'enfer. Cracker, se dit du crack, je suis en train d'enfer. J'veux détrôner le succès, mauvaise idée. J'suis dans les faits divers, pas au journal télévisé. Parlons bif, oseille bif, parlons feu. Tupac, Malcolm X, King, parlons feu. Grosse villa sur la corniche, ce que le temps veut. Donc parlons bif, oseille bif, parlons feu. J'irai dès que j'étais Escobar, que j'baisais qui m'en mieux. J'ai du bon shit dans mon tiers, qui n'en veut. J'ai tellement de disques de platine, qui n'en pleut. Si t'es trop fine, je ne te baisse pas, qui en veut. La cantine sur mes tartines, ça en veut. Mets-moi sur ton listing, on est 42. 42, talentueux. Des vrais négros marchant silence, les deux parlent entre eux. Tu parles beaucoup, tu abois, mais tu n'es pas dangereux. J'suis trop loin pour cet arbre, il n'y a pas d'enjeu. J'suis un Mac et un PC, tu n'es pas dangereux. Ma clique, ma clique, ma clique, t'ouvres le crâne en deux. J'atteins le paradis, c'est dans un train d'enfer. Cracker, se dit du crack, je suis en train d'enfer. Tu veux détrôner le succès, mauvaise idée. J'suis dans les faits divers, pas au journal télévisé. Parlons bif, oseille bif, parlons feu. Tupac, Malcolm X, King, parlons feu. Gros village sur la corniche, ce que le temps veut. Donc allons bif, oseille bif. Une envers dans la soirée, j'crois que c'est l'heure de se barrer. Bouteille offerte par la zombie, 200 euros pour le valet. Passe la police, ça y dégorge MC, AI. Leur compte en banque arrive, y'a que Wattie B qui pèse Harry. Pour pleurer, j'prends les paumés. Big Gates c'est mon roommate, c'est mon CL, AMGZ. Et Zanti, MSTZ, un pot trop cher. François, Nita, Runzer, on débarque en hélicoptère. 47 serres, fais des nécessaires.